بالله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكواكم نصيب التفسير Donc on devait terminer la sourate al-Ghashiyah. On est arrivé au verset فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Donc la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَذَكِّرْ. فَذَكِّرْ, c'est l'impératif du verbe ذَكَّرَ qui veut dire faire le zik, c'est-à-dire faire le rappel à autrui, rappeler autrui. Donc cet ordre, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. إِنَّمَا, c'est ce qu'on appelle الْحَصَرْ. Tu n'es qu'un مُذَكِّرْ, que quelqu'un qui fait le rappel. En fait, ce verset, dans ce verset, Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prêcher, de conseiller, d'exhorter, de faire le rappel, de menacer du châtiment et d'annoncer la récompense d'Allah. Et il lui montre que c'est seulement cela sa fonction. Et que donc il ne doit pas, une fois qu'il a fait sa fonction, lui il n'est pas blâmable et il ne doit pas se soucier ou se lamenter pour ce que les autres lui répondent ou le fait qu'il n'accepte pas son message. Et le verset d'après insiste sur cela en disant Lasta alayhi bi musaytir. Tu n'es pas, alors musaytir, c'est-à-dire comme quelqu'un qui les contraint, ou comme un tyran qui est chargé de les contraindre à faire ce qu'ils ne veulent pas. Allah dit Lasta alayhi bi musaytir. C'est-à-dire tu n'es pas là pour les forcer, tu n'es pas un tyran vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas les forcer à croire. Et là, le fait de les guider ne lui appartient pas. Il ne lui appartenait seulement que de leur montrer. Illa man tawalla wa kafar. Donc le verset, si on ne connaît pas son explication, comment on va traduire Illa man tawalla wa kafar? Sauf celui qui, tawalla, ça veut dire changer, se détourne, wa kafara, et qui mécroit. D'ailleurs, quelle est la nuance entre tawalla et kafara? Tawalla, c'est au niveau des actes. Tawalla, c'est le contraire de suivre, c'est le contraire d'obéir. Donc, sauf celui qui se détourne, c'est-à-dire qui ne veut pas se soumettre à la religion d'Allah, qui ne veut pas obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa kafara, et qui mécroit, c'est-à-dire et qui ne veut pas croire. Comme on le trouve dans la sourate al-Layl. فلا صدق ولا صلى ou c'est dans le Qiyam, je ne sais plus. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Il a renié et il s'est détourné. C'est-à-dire au niveau de la croyance, il n'a pas accepté. Et au niveau des actes, il n'a pas obéi. Donc ici, إلا من تولى وكفر. On pourrait croire que ça veut dire sauf celui qui se détourne et qui renie. Et donc ça voudrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas là pour les forcer, sauf que celui qui se détourne ou qui renie. Mais de façon évidente, ça ne peut pas être ça le sens. Sinon, la première phrase, elle n'aurait aucun sens. Parce que justement, si on parle de ne pas forcer, ça parle bien des gens qui mécroient. Donc ça n'aurait pas de sens de dire après, sauf ceux qui mécroient. Donc illa ici signifie walakin. Walakin, mais celui qui se détourne et renie, fayu'adhibuhullahu al-'adhab al-akbar. Allah le punira du châtiment le plus grand. C'est-à-dire, tu n'es là que pour prévenir, et celui qui se détourne et qui mécroit, eh bien c'est Allah qui va se charger de lui. Allah le punira al-azab al-akbar, du plus grand châtiment. Comme on avait vu dans An-Nar al-Kubra, le plus grand feu. Et là, il est dit al-azab al-akbar, le plus grand châtiment. C'est-à-dire le châtiment de l'enfer. C'est-à-dire que les châtiments, ils sont multiples, mais le plus grand, c'est celui de l'enfer. Inna ilayna iyabahum, c'est vers nous qu'est leur retour. Thumma inna alayna hisabahum. Puis c'est à nous qu'il incombe de procéder à leur hisab. C'est-à-dire que ce n'est pas à toi. C'est à Allah qu'il incombe de ressusciter les gens, de les faire revenir vers lui, et ensuite de faire leur hisab. Hisab, c'est-à-dire de peser leurs actions et de les juger, de les récompenser ou de les punir selon leurs actions. On passe à la sourate suivante, sourate al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Fajr. Donc tout le début de la sourate, c'est un qasem. C'est un serment. Donc les quatre premiers versets, ce sont des serments. Wal-fajr. Donc le wa ici, comment on traduirait? Merci. Je jure par Al-Fajr. Al-Fajr qui est l'aube, le début du jour. Et dans les paroles des salafs, certains expliquaient Wal-Fajr par également Salat Al-Fajr. Pas dans le sens où le Al-Fajr veut dire Salat Al-Fajr, mais dans le sens où le verset insinue ou nous fait penser à Salat Al-Fajr. C'est-à-dire qu'Allah a juré par l'aube, et l'aube, elle se distingue par une prière. C'est-à-dire, c'est un moment qui est lié à une des grandes adorations, un des grands cultes qui est la prière du Fajr. Donc Allah a juré par l'aube, wal Fajr, walayalin ashar, et je jure par 10 nuits. Ces 10 nuits, ce sont en fait, ce qui est voulu par ces 10 nuits, ce sont 10 jours. Et il est commun dans la langue arabe de parler des jours en disant les nuits. Donc ce qui est voulu ici, c'est Ashrul Dhul-Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, qui sont les meilleurs jours de l'année auprès d'Allah. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les meilleures œuvres, ce sont celles qu'on pratique dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Qu'est-ce qu'il a de spécial le mois de Dhul-Hijjah, comme son nom l'indique, c'est le mois du Hajj. Donc les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah sont les meilleurs jours de l'année pour les ibadat, c'est-à-dire pour pratiquer les bonnes œuvres. De même que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont les 10 meilleures nuits de l'année. Donc les 10 meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, par lesquels Allah a juré ici. Et les 10 meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc pour vous rappeler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas connaître le calendrier et les grandes dates de l'islam. Dans les 10 premiers mois de Dhul-Hijjah, on a du 1 jusqu'au 7. Et après le 8, qu'est-ce qui se passe le 8? C'est le début du. Voilà, c'est le début du Hajj. C'est là où les pèlerins se rendent à Mina, ce qui n'est pas obligatoire. Ils ne sont pas obligés d'y aller. Ensuite, le 9, on a le jour de Arafat. Arafat qui est un endroit. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajj wa Arafat. Le Hajj, c'est Arafat, c'est-à-dire c'est le moment ou l'endroit où le culte le plus important du Hajj, c'est du pèlerinage, c'est de ce qu'on appelle le wukuf, c'est-à-dire de s'arrêter, de stationner, entre guillemets, à Arafat, jusqu'au Maghrib. Ensuite, au Maghrib, les pèlerins s'en vont à Muzdalifa, qui est entre Arafat et Mina. Et le 10 de Dhul-Hijjah, c'est le jour de l'Aïd, pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage, et pour ceux qui sont au pèlerinage, c'est le jour du sacrifice, c'est le jour où ils se rasent les cheveux, c'est le jour où ils vont également faire Ar-Rajm sur l'Aqaba, ils vont également faire le Tawaf, l'Ifada, le Tawaf du pèlerinage, le Tawaf du Hajj. Donc c'est le jour le plus important. Et ensuite, le 11, le 12 et le 13 suivent ce qu'on appelle Ayyam At-Tashriq, donc qui sont pour les gens qui ne sont pas au Hajj, les jours de Takbir et les jours qu'on appelle At-Tashriq parce qu'on fait sécher la viande des bêtes qui ont été sacrifiées. Et pour ceux qui sont au pèlerinage, eh bien, dans les trois nuits de séjour, ils doivent rester à Mina. Voilà, c'était un petit résumé pour qu'on ait l'idée de. Parce que des fois, on dit les 10 jours de Dhul-Hijjah, on n'a aucune idée de ce que c'est. Donc, Allah a juré par ces 10 jours. Ensuite, Wash-Shafi'i Wal-Watr. Je jure par l'impair et le père. Est-ce que père et impair ici désignent quelque chose de précis? Quand on regarde les paroles des Sahaba ou des Tabi'in, par exemple, certains disaient Ash-Shaf', c'est la création. Et le Watr, c'est le créateur. Parce qu'Allah est unique. Alors que tout ce qui est en dehors d'Allah a des semblables ou marche en pair, etc. D'autres disaient que c'est une allusion à la prière du Witr. D'autres disaient Ash-Shaf', c'est le 10e jour de Dhul-Hijjah. Le jour de l'Aïd. Et le Watr, c'est le jour de Arafat, le 9e, juste avant. Donc les 2 jours dont on vient de parler. Et l'imam al-Tabari, rahimahullah, comment est-ce qu'il a fait l'analyse ou comment est-ce qu'il a traité toutes ces paroles, toutes ces interprétations, en disant tout simplement qu'Allah azzawajal a juré par le père et l'impair, sans nous préciser ce qu'ils sont. C'est-à-dire que n'y a pas un autre verset du Coran qui nous précise qu'est-ce qui est voulu par le père et la mère ici. Il n'y a pas non plus un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise qu'est-ce qui est voulu par le père et la père ici. Et quand on regarde les paroles de Abdallah ibn Abbas et des tabi'in, on trouve plusieurs explications différentes. Donc, ce ne sont pas réellement des explications. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu dire, le verset veut dire seulement le jour de Arafat et le jour de l'Aïd. Mais c'est comme un exemple. C'est-à-dire Allah a juré par le père et la père. Donc toutes les grandes choses, les grands signes qui vont en père et impair rentrent dans ce verset. Et de cette façon, on comprend pourquoi parfois quand on lit les paroles de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Qatada, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, on dirait qu'ils divergent sur l'interprétation des versets, alors qu'en fait ils ne divergent pas. Ils donnent des exemples de la façon dont on peut comprendre le verset, mais quand on regarde toutes leurs explications, elles reviennent à une seule signification. Donc l'imam al-Tabari dit en fait, c'est le père et l'impair, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Et tous les grands exemples de père et impair qui peuvent entrer dedans, rentrent dedans. Donc le verset, il reste dans son sens général. « Wallayli idha yasr » Yasr dans le sens « Wallayli idha yasri » Le « ya » a été « hudifat » a été enlevé, comme c'est permis dans la langue arabe. C'est-à-dire « et la nuit quand elle se retire ». Donc justement, au moment de l'aube. Donc on voit que, à de nombreux passages du Coran, Allah jure par l'alternance du jour et de la nuit. Donc c'est le cas ici. Il a juré par l'aube et par le fait que la nuit se retire. Et dans le cinquième verset, Allah dit « Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr » Hijr, ça veut dire « aql ». Est-ce qu'il y a ici un serment pour celui qui est doté de raison? Ça signifie, est-ce que cela suffit comme serment pour quelqu'un d'intelligent? Et le sens est bien sûr, c'est pas une réelle question, c'est une question qui veut dire cela suffit pour quelqu'un qui est doté de raison, le fait qu'Allah jure par tous ses grands signes. Ensuite, les versets d'après passent à un autre sujet qui est le fait de rappeler les communautés passées. Donc ça c'est un sujet qui se répète énormément dans le Coran. Allah nous rappelle ce qu'il en fut et le sort des peuples passés. Donc ici, Allah commence en disant « Alam tara, n'as-tu pas vu ?» Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas vu. Il n'est pas contemporain de ces peuples qui vont être cités dans ces versets. Donc, vu ici dans le sens de l'œil du cœur, c'est-à-dire qu'il le sait. Allah lui a appris. « Alam tara, kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ?» N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec Ad ? Donc, Ad, c'était un peuple parmi les Arabes, dans le sud de la péninsule arabique. Et le verset d'après dit « Irama dhat al-imad ». Donc que veut dire? Donc le verset d'après, le précédent termine par « Ad » et celui d'après commence par « Irama ». Donc est-ce que « Iram » veut dire l'endroit où était « Ad » ou est-ce que c'est une tribu de « Ad » etc. etc. Donc certains ont dit « c'est l'endroit de « Ad » et d'autres ont dit « en fait c'est une tribu de « Ad ». C'est-à-dire, Ad sont Iram. Et Iram sont une subdivision plus ou moins de Ad. C'est-à-dire, Ad, c'est plus large que Iram. Et Iram sont une tribu de Ad. Irama, dhat al-imad. Et d'autres ont dit que Iram, c'est leur contrée. Leur contrée s'appelait Iram. Irama, dhat al-imad, c'est-à-dire Iram. Donc, je répète, Iram, c'est Ad. C'est pas une deuxième tribu qui est citée ici. C'est comme si Allah les appelait tout de suite après par un autre nom. Et il les a qualifiés de « dhat al-imad ». L'imad, c'est-à-dire les colonnes, les piliers. Donc « ad » ou « pilier ». Qu'est-ce que ça signifie ? Wallahu a'lam. En tout cas, l'imam al-Tabari, rahimahullah, il dit que c'est une allusion aux piliers. Enfin, ce n'est pas vraiment les piliers, mais je ne sais pas comment dire en français, avec lesquels on fait des tentes. Et parce que c'était des gens qui vivaient dans des tentes. Et non pas dans des demeures fixes. Et pourquoi Allah a souligné ça? Parce que leur imad était immense, parce qu'eux-mêmes étaient très forts et très grands. C'est pour ça que dans le verset d'après, Allah a dit Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ceux dont personne n'a été créé comme eux dans les contrées, fil bilad. Bilad, purée de balad, qui veut dire un pays ou une ville ou une contrée. Donc Allah nous dit que Ad, personne n'a été créé comme eux dans les différents horizons, dans les différentes contrées. Ça fait allusion à leur force physique et leur forme. physique. Donc, que veut dire Zatil Imad? C'est-à-dire ceux qui dressaient des tentes avec des piliers immenses, parce qu'eux-mêmes étaient grands et étaient très forts. Et pourquoi Allah souligne ça? Pour montrer que malgré ça, il n'a pas été difficile à Allah de les faire disparaître. Wa Thamoud jabu sakhra bil wad. Et Thamoud, ils ont creusé les rochers dans Al-Wad. Al-Wad, c'est, ben, en français, on dit l'Oued. C'est plus ou moins, c'est les grands endroits qui, lorsque les eaux déferlent, deviennent des rivières. C'est ça, Al-Wad. Parfois, on traduit par vallée, mais c'est pas vraiment une vallée. Donc Thamoud, c'est ceux qui sont souvent cités après Aad, justement. Et également, c'était une tribu de la péninsule arabique, une tribu arabe disparue. Al-Lavina Jabu. Donc là, encore une fois, il faut faire attention quand on récite quand on lit le Coran, qu'est-ce qu'on va croire que ça veut dire Jabu? Jabu Sakhra. On va croire que ça veut dire ils ont ramené des rochers dans l'Oued. C'est pas ça. Jabu, ici, c'est Minal Jaub. Ça veut dire ils ont creusé les montagnes. Ils ont taillé dans les montagnes des demeures, comme c'est dit dans d'autres versets du Coran. C'est-à-dire que tellement ils étaient forts et ingénieux qu'ils se taillaient des demeures dans les montagnes et se creusaient des demeures dans les montagnes. Alladhina jabu sakhra bilwad. Ensuite, wa fir'auna dhil autad. Et Fir'aun, l'homme au piqué. Celui qui était dhil autad, c'est-à-dire doté de piqué, ou Fir'aun au piqué. Donc Fir'aun, c'est Pharaon. Et pourquoi Allah l'a qualifié de dhil autad, celui au piqué? Il y a plusieurs explications à ce sujet. Certains ont dit autad dans le sens, il me semble qu'on l'a déjà vu ici, ça ou pas? Non, je pense pas, parce que c'est quand j'ai expliqué la sourate Sad à ce clan. Parce que aussi au début, Allah parle de Pharaon en disant dhil autad. Certains disent que dhil autad, al-autad, ce sont les piqués. Donc pourquoi les piqués? Parce que les armées de Pharaon étaient tellement immenses que quand ils se déplaçaient, ben, forcément les piquets dont ils avaient besoin pour dresser leur campement étaient dans un nombre incroyable. Donc c'est une allusion au grand nombre de ces armées. D'autres ont dit, Dhil Autad, c'est une allusion à la force de ces armées et à la façon dont son pouvoir était ancré, comme des piquets ancrent un campement et ancrent. Et enfonce les tentes et font qu'elles ne peuvent pas bouger. Donc de la même façon, son pouvoir, il était fort, stable et bien en place. On ne pouvait pas le déséquilibrer, ni le déstabiliser. Donc ce serait une image. Et d'autres ont dit, Aoutad, ça fait allusion, certains tabi'in disaient, ça fait allusion à des piquets que Fir'aoun faisait planter, des piquets de fer ou de bois, et sur lesquels il attachait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui pour les torturer et les punir. Donc ça montre sa tyrannie. Et d'autres ont dit également que les Aoutad ici, ce sont des sortes de piquets, de piliers, mais qui servaient à des jeux, un peu comme du folklore, qui était fait devant Pharaon, comme c'est l'habitude des rois. C'est-à-dire que devant, il y a des jeux, des gens qui font des genres de jeux folkloriques, etc. Et l'imam al-Tabari dit que dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire les avis les plus forts dans toutes ces explications, ce sont les deux dernières. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est ce qui ressort le plus de Dhil Autad. Plutôt que d'en faire une métaphore, on va expliquer Dhil Autad par Autad, tout simplement, c'est-à-dire les piliers, les piquets plutôt. Et donc, qu'est-ce que sont les piquets? Bah, soit les piquets par lesquels ils châtiaient et torturaient les gens, ou alors au contraire, les piquets par lesquels on. Donc, les piquets, ils ont été expliqués par des al-mawal, c'est-à-dire comme des grandes choses qui faisaient dans l'ombre et tout ça. Et avec lesquels on faisait al-la'ib ou al-lahou, c'est-à-dire la distraction du folklore devant Pharaon. Tout ça pour faire une allusion en tout cas à sa tyrannie. Donc Allah ensuite parle de tous en disant Alladhina taraw fil bilad, ceux qui ont transgressé dans les villes, dans les contrées ou dans les pays. Taraw, le verbe tara, c'est-à-dire dépasser la limite. Ceux qui ont transgressé dans les pays. Fa'aktharu fiha al-fasad, et qui ont fortement répandu al-fasad, le mal. Et le principal mal qu'ils ont répandu, bien sûr, c'est al-shirk ou al-kufr, la mécréance, le polythéisme, l'adoration des hommes ou des idoles ou des astres, etc. Fa'aktharu, c'est-à-dire ils l'ont, aktharu, ils ont multiplié fiha, c'est-à-dire fil bilad, dans les différentes contrées, al-fasad, le mal. Fa'sabba alayhim rabbuka sawta azab. Alors ton Seigneur a déversé sur eux, sabba alayhim, sawta azab, le fouet d'un châtiment. C'est-à-dire que tout ça, c'est le fouet du châtiment pour montrer à quel point le châtiment était dur. Et il a déversé sur eux le fouet du châtiment. Inna rabbaka la bil mirsad. Et ton Seigneur est. Quand on dit bil mirsad, si on parlait de quelqu'un, par exemple, il est bil mirsad, ça veut dire il est à l'affût, il est aux aguets. C'est-à-dire il surveille. Inna rabbaka la bil mirsad, c'est-à-dire et ton Seigneur surveille. C'est-à-dire il n'y a rien qui lui échappe de ce que les gens font. Donc quand bien même des tyrans ou des gens qui répandent le mal continueraient à le faire, il ne faut pas croire qu'ils ont échappé à Allah ou que Allah est insouciant ou que Allah a oublié ou qu'Allah ignore ce qu'ils sont en train de faire. On s'arrête là pour le tafsir. On passe au fiqh. On n'a pas commencé An-Najaset, n'est-ce pas? Non. Ok. Donc c'est le cours d'aujourd'hui. Donc il dit ici Al-Mas'alatu Thalitha. Donc déjà, une petite remarque. Quand le cheikh il dit Al-Mas'alatu Thalitha, Fin-Najasati wa Ahkamiya, c'est pas très daqiq, c'est pas très précis comme façon de s'exprimer. C'est-à-dire que normalement, un chapitre tel que Najasat, on devrait plutôt dire Bab Najasat. C'est-à-dire que les fuqaha, dans leur livre, ils ont un langage. Un grand chapitre, comme la purification, ils vont l'appeler Kitab Tahara. Ensuite, dans Kitab Tahara, on a plusieurs chapitres. Par exemple, Al-Wudu, on a vu ensemble, Al-Niya, Al-Aniya. Ça, ils vont l'appeler Bab. Bab Al-Niya, Bab Al-Aniya, Bab Al-Wudu. Ensuite, en dessous de ces babs, les sous-chapitres encore, ils vont les appeler fasl, au pluriel fasl. Donc ça, c'est le vrai langage des fuqaha. Donc ici, le cheikh, il dit al-mas'ala. Mais ce n'est pas très correct, parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on appelle une mas'ala? Une mas'ala, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple dans l'oudo, on va voir nawaqid l'oudo. Qu'est-ce qui annule les ablutions? Donc, un exemple, est-ce que le fait que l'être humain saigne, ça annule l'ondo ou pas? Ça, c'est une mas'ala. C'est une, on appelle ça une question. C'est-à-dire, c'est un point. Un point de, sur lequel peut-être il y aura des divergences, il y aura des preuves, aussi, il y aura de la discussion, etc. Voilà, c'est un sujet dans un chapitre. Vous avez compris? Est-ce que le fait de tanner une peau d'un animal mort la rend pure? Ça, c'est une mas'ala. Une problématique. Une problématique ou une question. Et le bab, c'est babul aniya, le chapitre de aniya. Donc là, il a dit al-mas'alatu thalitha, c'est pas terrible. Donc il dit ma'naha lughatan wa shar'an. Qu'est-ce que ça veut dire an-najasat? Najasat, c'est au pluriel. Au singulier, c'est najasatun. Dans la langue arabe et dans la religion. Il dit lughatan an-najasatu al-qadara. Ça veut dire la saleté. Dans la langue. Dans le langage, dans la langue arabe, Najasa, ça veut dire une saleté. Toute saleté est appelée Najasa dans la langue arabe. Wa najusa shay'u najasan ou najasa shay'u, ça peut être Najasa ou najusa. Shay'u najasan qadara, c'est-à-dire il est devenu sale ou il est sale. Wa tanajasa shay'u sara najisan talattaha bil qadar. Donc Najasa, ça veut dire être najis. Tanajasa, ça veut dire devenir najis. De ça, on en avait déjà parlé plus ou moins. Shar'an, donc qu'est-ce qu'on entend par najis, najasa plutôt dans la religion? Hiya qadrun makhsusun yamna'u jinsuhu as-salata kal-bawli wad-dami wal-khawf. Donc il dit ce sont des choses précises dont le genre yamna'u jinsuhu as-sala, interdit de prier. Comme, il dit comme l'urine, le sang et les boissons alcoolisées. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Un najasa, qu'est-ce que c'est? Ce sont les corps que la religion a désignés comme étant impurs. Et qui font que, si tu le portes sur ton corps, ton vêtement, ou l'endroit où tu te prosternes, ta prière n'est pas acceptée. C'est ça qu'on appelle un najasa. Donc ce sont toutes ces matières dont on est obligé de dégager et de nettoyer le corps, le vêtement et l'endroit sur lequel on se prosterne. Donc il dit anwa'un najasa, an-najasatu naw'an. Il dit les différentes sortes de najasa. La najasa elle est de deux sortes, ayniya wa hukmiya. Ayniya, c'est-à-dire il a dit substantiel, hukmiya, contingente, bon, pas s'embêter avec ça. Ayniya, c'est-à-dire elle est impure en elle-même. Hukmiya, c'est-à-dire elle a le statut d'être impure. On va expliquer, il dit wal-ayniya al-zawatu najisatu kal-kalbi wal-khinziri wa la tatghuru bi ghasliha bihal. Wal-hukmiya an-najasatu tari'atu ala mahallin tahir. Qu'est-ce que ça signifie ça? En fait, un najasatul ayniya, c'est le corps qui est najis. Exemple, l'urine. Exemple, l'excrément. Exemple, un chien, si on dit que le chien il est impur. Un chien, si on dit que le chien il est impur, c'est une najasa. Si on lave, est-ce qu'il devient pur? Bon, on va prendre l'exemple du cadavre, une bête morte. Si on la lave, elle devient pure? Non. Si je la lave avec de la lessive, elle devient pure. Ça va rester un corps impur, c'est un corps impur. Ça, c'est ce qu'on appelle un najasatul ayniya. Donc, plus ou moins, c'est ça dont on parle quand on parle des najasat. Et un najasatul hukmiya, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que un najasatul ayniya se mette sur un corps pur, comme sur mon vêtement. Donc, si j'ai une impureté comme du sang sur mon vêtement, c'est une najasa hukmiya. Pourquoi hukmiya? Parce que si j'arrive à faire partir le sang, ça redevient pur. C'est-à-dire le hukm, le jugement de l'impureté, il va partir avec elle. Est-ce que ça veut dire que le sang, lui, il est pur? Parce que je l'ai lavé? Non. Le sang, il faut que je le fasse disparaître. Mais lui, il reste impur. Le sang, il est impur. Je ne peux pas le purifier du sang. Par contre, mon qamis ou mon vêtement, lui, je peux le purifier. Donc, c'est une najasa hukmiya. C'est-à-dire qu'il peut s'enlever. Si vous voulez, vous retenez comme ça. Ayniya, c'est les corps impurs. Hukmiya, on appelle ça hukmiya, c'est celle qu'on peut enlever. Bon, ça, c'est un peu technique. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est la suite. J'ai perdu ma page en même temps, je sais bien. Alors, aqsamun najasa, les différentes sortes de najasa, c'est ça qui nous intéresse. Il faut connaître quelles sont les choses qui sont des najasat. Alors là, le shir dit. تنقسم النجاسة إلى ثلاثة أقسام. Il a fait une division des najasat qui est bien pour comprendre le sujet. Il a dit الأول, première division, premier groupe de najasat. قسم متفق على نجاسته. Celles sur lesquelles les savants ne divergent pas. Comme ça, on est tranquille. On apprend déjà celles sur lesquelles ils sont tous d'accord. الثاني قسم متفق في il a dit Moutafakoun, c'est plutôt Murtalafoun, fi najasati. Le deuxième, c'est les choses sur lesquelles les savants, c'est-à-dire les quatre imams, ont divergé. Est-ce qu'elles sont impures ou pas? Al-Thalith, la troisième sorte de najasa, Qismoun ma'fouun anhu. Ce sont les najasat qui sont excusées, tolérées. C'est-à-dire que malgré qu'elle est sur mon vêtement, je peux prier quand même. Donc ça n'a pas de rapport en vérité avec les deux premières catégories. C'est autre chose. C'est comme s'il voulait nous dire, et il faut savoir que parfois la najasa ou certaines d'entre elles, elles peuvent être tolérées. Donc là, on y va, il va nous citer, là maintenant on rentre dans le vif du sujet, quels sont les najasat. Donc il dit, al-awwalu mattufiqa ala najasati. Donc premièrement, celles sur lesquelles tout le monde est d'accord. Awwalan al-maytatu min kulli hayawanin barri. Donc le cadavre de tout animal Barri, et non pas Bahri. Barri, c'est-à-dire terrestre. Amma al-Bahri, famaytatuhu tahiratun halal. Il dit quant aux animaux marins, leurs cadavres sont purs et halal. On a le droit, ils sont purs, ce sont des corps purs, et on a le droit de les consommer. C'est-à-dire les animaux qui vivent dans l'eau. Quant aux animaux, donc, qui, on l'a déjà expliqué la dernière fois, on ne va pas trop s'étaler, les cadavres, c'est-à-dire les animaux, soit qui sont interdits de manger, quand ils meurent, ce sont des maïtas, des cadavres, c'est impur. Ou alors les animaux qu'on a le droit de manger, mais ils n'ont pas été tués d'une façon qui les rend halal. C'est-à-dire, en gros, ils n'ont pas été égorgés par un musulman, un juif ou un chrétien. Donc c'est un cadavre. Un mouton, il se cogne dans un mur, il meurt, c'est un cadavre. Tous les cadavres sont impurs. Deuxièmement, il dit الدم المسفوح وهو الذي يسيل من الحيوان البري أثناء ذبحه. Deuxièmement, le sang المسفوح, Nasfouh, c'est-à-dire celui qui sort en quantité et qui coule. Ça, c'est écrit dans le Coran. Audaman Nasfouhan. Donc il dit c'est celui qui coule quand on tue un animal terrestre. C'est-à-dire quand on va égorger un mouton par exemple, il y a du sang qui va sortir en quantité de sa gorge. Ça, on appelle ça Eddamul Masfouh, il est najis. Thalithan Lahmul Khinzir. Troisièmement, la chair du porc. Rabi'an Baulul Insan. Quatrièmement, l'urine de l'être humain. Khamisan. Donc l'urine de l'être humain, c'est évident, il y a beaucoup de hadiths sur ça. Comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes, il a dit Innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Les deux sont en train d'être punis et pas pour quelque chose de grand. Et après, il a dit à l'un des deux, au sujet de l'un des deux morts, wa ma hada fa kana la yastanzihu min al-bawl. Celui-là ne se protégeait pas de son urine. Khamisan ra'itul insan. Ça, c'est évident. Si l'urine elle est impure, donc les excréments, encore plus. Sadisan al-Madi. Donc sixièmement, al-Madi. Al-Madi, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins les prémices du sperme chez l'homme. Donc al-Madi, c'est un... Donc si on le prononce complètement, avec si on met les harakets, ça fait al-Madhyu. Al-Madh, on met une soukoun sur le vel. Al-Madhyu, c'est comme ça qu'on dit. Alors que le sperme, on dit al-Mani. On met une kasra sur la deuxième lettre, c'est pas pareil. On dit Al-Mani Yu. On ne dit pas Al-Madhi Yu. On dit Al-Madhi Yu. Al-Madhi Yu. Donc Al-Madhi, c'est un liquide visqueux, transparent, qui sort du sexe de l'homme quand il pense à des choses charnelles ou quand il a des prémices charnelles avec sa femme. Donc celui-là, il est impur. Pourquoi? Parce que Ali, radiallahu anhu, il était éprouvé par ça. C'est-à-dire qu'il en avait beaucoup. Et quand il a demandé à Al-Miqdad de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui, le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam irsil dhakaraka wa tawadda, lave ton sexe et fais l'oudou. Donc le fait qu'il lui ait dit fais l'oudou, ça n'a pas de rapport avec ici. Ça ne veut pas dire que c'est najis. Mais qu'est-ce qu'il veut dire que c'est najis? Irsil dhakaraka, il a dit lave. S'il ordonne de laver, c'est que c'est une najasa. Ensuite, il dit Sabi'an al-Wadi. Al-Wadi, ça se prononce comme al-Madi. En fait, c'est al-Wadi. Al-Wadi, c'est un liquide blanc qui sort après l'urine. Certains hommes ont ça. Après l'urine, ils ont une sorte de liquide blanc qui sort. Donc, si jamais ça touche le vêtement ou les sous-vêtements, ils doivent le laver. Ça, c'est rapporté notamment d'Abdullah ibn Abbas. Thaminan lahmu ma la yahillu akluhu min al-hayawan. Huitièmement, la chair de tout ce qui n'est pas licite parmi les animaux. Mais ça, vous allez me dire, c'est évident quelque part, parce que, en vérité, ça rentre dans le premier. Ben oui, parce que si par exemple on a un âne, l'âne, on n'a pas le droit de le manger. Un âne, même si on l'égorgeait en disant Bismillah, on n'a pas le droit. Donc au final, c'est une maïta. Donc si c'est une maïta, la viande, elle est najis, elle est impure. Tasi'an. ما فصل من حيوان حي كأن يقطع ذراع الشاة مثلا وهي حية. Ça, on l'a vu la dernière fois. Ce qui est coupé d'un animal vivant, par exemple, il dit si on coupe la patte d'un mouton vivant, la patte est najis. Mais c'est quoi la grande règle plutôt? Que je veux dire le mouton ou pas le mouton, ou pur ou impur, la grande règle c'est ما أبين من حي فهو كميتته. C'est-à-dire ce que coupe par accident ou autre, d'un animal vivant, il a le même statut que le cadavre de cet animal. Donc si c'est un poisson, on lui coupe une nageoire vivante, la nageoire elle est pure. Elle est pure parce que le cadavre du poisson il est pur. Donc ce qu'on coupe, il est comme si c'était l'animal qui était mort. On l'a vu ça la dernière fois. Ensuite, 10, 11, 12, il dit, regardez bien, damul hayr, damul nifas, damul istiharba. Damul Hayl, c'est le sang des règles chez la femme. Damul Nifas, c'est le sang, on peut dire aussi Nufas, des lochis, c'est-à-dire les hémorragies, qui, les écoulements de sang qui suivent l'accouchement, qui précèdent de quelques jours et qui suivent également l'accouchement. Donc c'est comme les règles. Et ensuite il dit Dam al-Istihaba. Al-Istihaba, qu'est-ce que c'est? C'est l'hémorragie qui touche une femme en dehors des règles. Et ça, c'est il y a de nombreux hadiths qui en parlent. Et c'est un sujet qui est un peu compliqué dans le fiqh. Mais en vérité, le shir, il aurait pu dire une chose qui résumait tout. C'est Ad-Dam. Ad-Dam, il est najis. Il n'y a pas de divergence sur ça. Le sang, il est najis dans l'islam. L'imam Ahmed rahimahullah disait, Makhtalafa an-nas fi ad-dam. Les gens, quand il dit les gens, bien sûr, il ne parle pas des gens arabes, des Khulafa ar-Rashidin, l'Imma, etc. Il dit ils n'ont pas divergé au sujet du sang. Il n'y a que certains Zahiriyas qui sont allés jusqu'à dire que le sang il est pur, mais on ne peut pas prendre en compte leur avis. Quand on sait que l'ijma il était avéré et qu'il n'y a pas eu de divergence à ce sujet. Donc là, je ne parle pas du fait que est-ce que saigner, ça fait perdre l'eau d'eau? C'est une autre mas'ala. On ne parle pas de saigner, est-ce que ça fait perdre l'eau d'eau ou pas. On parle du sang, est-ce qu'il est najis ou pas. Et il n'y a pas de divergence entre les sahaba, entre les a'imma et tout ça, et les anciens pour dire que le sang, quel qu'il soit, il est impur. Sauf le sang des animaux comme le poisson, des animaux dont le cadavre lui-même il est pur comme le poisson, etc. Leur sang, il est. Mais le sang de l'être humain, le sang des animaux, tout ça, c'est impur. Sauf, comme on va voir par la suite, s'il est en très petite quantité, alors il est toléré. Le sang qui sort de Du nez, tout. Ouais. Du nez, des dents, tout. Si vous voulez, on laisse la question à la fin. Donc il dit Athani, la deuxième sorte de Najasa, Martulifa fi Najasati. Les impuretés sur lesquelles il y a une divergence entre les savants. Donc celle-là, elle nous intéresse aussi fortement. Il dit premièrement, Baoulou Mayukalu, c'est ça. Baoulou Mayukalu Lahmuhu, et Thanian Raoufou Mayukalu Lahmuhu. En fait, il dit premièrement l'urine des animaux qu'on peut manger, et deuxièmement les excréments, c'est-à-dire les crottins généralement, des animaux qu'on peut manger. En fait, il y a très peu de divergence sur ce sujet-là. L'urine et les excréments des animaux qu'on a le droit de manger, les moutons, les chèvres, les vaches, les chameaux, les chevaux. Est-ce que leur urine et leurs excréments sont impurs ou pas? Pour résumer, il n'y a que l'imam Shafi'i qui a dit que c'était impur. Tous les savants disent que c'est pur. Et il y a de nombreux arguments à ce sujet dans la Summa, comme par exemple le plus connu, c'est le hadith de Hadith al-Uraniyin. Quand des gens étaient venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient mal au ventre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit d'aller boire l'urine des chameaux. Si l'urine du chameau elle était impure, il n'aurait pas pu leur dire de le boire, même pour se soigner. Parce qu'on ne peut pas dire c'est une darura. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se soigner même avec ce qui est haram. C'est-à-dire le fait qu'on doit se soigner n'excuse pas de prendre un médicament qui est haram. Donc on ne peut pas dire ouais, mais c'est parce qu'il devait se soigner. Non, ça ne fonctionne pas. Donc c'est que forcément, c'est tahir. Donc ça c'est bon à savoir pour bon. Nous, ça nous concerne peu, mais c'est bon à savoir pour les paysans, les fermiers, etc. Les animaux qu'on peut manger, comme les chèvres, les moutons, tout ça, leur urine et leurs excréments, ce n'est pas une najasa. Si jamais il a ça sur son vêtement, là où il prie. Et c'est d'ailleurs pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de prier où, quand on lui a demandé, Fimara bidil ghanam, dans les enclos des chèvres et des moutons. Alors que c'est impossible qu'il n'y ait pas de l'urine et des excréments. Et quand quelqu'un lui a demandé s'il pouvait prier dedans, il a dit oui. Thalithan al-mani. Al-mani, c'est le sperme de l'homme. Donc ça, c'est un gros sujet dans le fiqh. Et c'est un sujet dans lequel il y a de grosses discussions. Nous, ce qu'on va retenir, c'est l'avis de l'imam Ahmed rahimahullah qui dit que al-mani tahir. Le mani, il est pur. Pourquoi? Parce que il est rapporté dans les hadiths authentiques que Aïcha radiallahu anha, elle disait, elle rapportait d'elle-même que parfois elle frottait le mani sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était sec et elle le frottait avec ses doigts. Si elle le frotte avec ses doigts, c'est que c'est pas une najasa. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, si c'est une najasa, il est inconcevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses femmes, elles le laissent sécher sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se serait dépêché de l'enlever le plus vite possible. Deuxièmement, c'est qu'elle s'est contentée de le frotter. Elle n'a pas utilisé l'eau, et elle n'a pas, par exemple, etc. Elle n'a pas essoré, etc. comme on le ferait pour une najasa, pour être sûr qu'elle parte. Donc, wallahu a'lam, c'est un argument en faveur du fait que le mani est pur. Rabi'an, lu'ab al-kalb. Quatrièmement, la salive du chien. En vérité, il aurait pu dire le chien, au lieu de dire la salive du chien. C'est le chien entièrement qui est un sujet à divergence entre les savants. Pourquoi la salive du chien? Tout tourne autour du hadith qui est rapporté dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dans le Muwatta, qui est bien connu, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Iza sharib al-kalbu » ou dans une autre version, « Iza wala al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab » Quand le chien boit dans le récipient de quelqu'un, il doit le laver 7 fois, la première avec de la terre. Donc vous allez me dire, bah si le hadith il dit de laver 7 fois, pourquoi ils ont divergé alors? Parce que justement il dit 7 fois, alors que toutes les autres impuretés ont dit qu'une fois. Donc l'imam Malik, rahimahullah, qui est un de ceux, un des rares, on va dire, qui dit que même la salive du chien elle est pure, et que le chien il est pur tout entier, il dit que le fait qu'il ait dit 7 fois, et en plus il dit de rajouter de la terre, c'est qu'il y a un secret qu'on ne connaît pas. C'est pas parce que c'est impur. Si c'était parce qu'il est impur, il aurait dit lavez-le. C'est tout. Comme quand un bédouin il a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Versez de l'eau sur son urine. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une najasa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de laver la najasa, c'est tout. Mais pourquoi là il dit 7 fois et vous rajoutez de la terre? L'imam Malik rahimahullah, il dit, bah ça montre que c'est pas une najasa. Parce que c'est plus, comme il y a 7 fois et il y a de la terre, c'est que c'est pour une hikma qu'on ne connaît pas. Wallahu a'lam. Et les autres vont dire, bah non, ça prouve que c'est une najasa mughallaza. Ça prouve que c'est une najasa encore pire que les autres. Parce qu'il faut, on est obligé de lier l'eau à la terre et en plus de laver 7 fois. Donc dans tous les cas, c'est sûr que la salive du chien, il vaut mieux. Si jamais on est éprouvé par un chien qui laisse son pantalon, etc., il vaut mieux la laver. Parce qu'effectivement, laver-la 7 fois et rajouter de la terre, ça fait penser au fait qu'elle est pire que le reste des najasettes. Ou alors, l'imam Malik disait que, au contraire, ça prouve que c'est pas une najasa. Wallahu a'lam. Ça, c'était pour vous expliquer pourquoi il l'a mis dans les choses sur lesquelles on diverge. Et ceux qui ont dit que sa salive est pure, eh bien, la plupart ont dit, bah, ça prouve que tout l'animal il est impur. Si sa salive elle est pure, c'est que c'est un animal impur, tout simplement. Alors que bah, l'imam Malik, il va dire que comme c'est un être vivant, il est pur, comme tous les êtres vivants. Khamisan al-qay'u. Cinquièmement, le vomi. Donc le vomi également, c'est vrai que c'est un sujet à divergence, même s'il n'y a pas de... Il n'y a pas ni de verset, ni de hadith, clairement, qui stipule que... Le vomissement est une impureté. Et le madhab chez les Hanabila, c'est que c'est une impureté, effectivement. Donc, aussi, il vaut mieux s'en préserver. Quand on est face à ce genre de choses, on sait que les savants ont discuté dessus. Si jamais, c'est pas tous les jours qu'on vomit, de toute façon. Donc, si jamais on vomit, ça touche le tapis de prière, ça, bien, il vaut mieux le laver ou prendre autre chose. Et comme ça, on est sûr. Sadisan, maïtatu, ma'la damala. Il dit ensuite les cadavres de ce qui n'a pas de sang. Comme il dit un nahl, les abeilles. Après, il a dit des animaux dont je ne connais même pas la traduction. En fait, souvent, il cite les scarabées, les cafards, tous ces trucs-là, les criquets. Sorsour, c'est le cafard. Le bourrouf, je crois que c'est les puces. Parce que, comme il dit, akaluni, le bararif. Donc, en fait, moi, à ma connaissance, ce n'est pas un sujet sur lequel ils ont divergé, ça. Il fallait plutôt le mettre dans les sujets sur lesquels il n'y a pas de divergence. Les savants, ils sont unanimes sur ça. C'est-à-dire les petits animaux qui n'ont pas de sang qui coule. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sang. Mais si tu les tues, si tu les coupes en deux, tu ne vas pas avoir du sang qui coule comme pour tout animal. Mais ceux-là, ils ne sont pas impurs. Et notamment sur quoi ils se basent? C'est le fameux hadith où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Iza waqa'a dhubabu fil ina, farmisuhu fi » C'est le sens du hadith, ce n'est pas le terme exact. Il a dit quand une mouche tombe dans le liquide, dans un récipient, enfoncez-le dedans. Donc s'il était impur, il ne va pas nous dire de l'enfoncer dedans. Donc contrairement à tous les cadavres d'animaux qui sont impurs, les toutes petites bêtes qui n'ont pas de sang qui coule, ceux-là, ils sont purs. Donc c'est une sorte de facilité, comme les mouches, etc., les abeilles. Al-thalithu, Donc, troisièmement, ma yu'fa anhu min an-najasat. Les najasat qui sont tolérées. Donc, il dit premièrement, tinu shawari'a, la terre qui est dans les rues. Mais là, j'arrive pas à comprendre pourquoi le cheikh a dit ça. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre entre guillemets? Il n'y a pas quelque chose qui vous semble bizarre ici? En fait, il y a mon monde avec la terre. Ben ouais, donc. Donc c'est pur. Ben c'est pas une impureté déjà. Une personne n'a dit que c'était une impureté. Donc pourquoi dire c'est une impureté qui est tolérée? Déjà à la base, personne n'a dit, aucun savant n'a dit que c'est une impureté. T'es sûr de l'édition? Parce qu'il y a beaucoup de choses là. Bah je sais pas. Ah non, moi je les connais, c'est pas. Voilà. Tu l'as déjà vu dans une autre édition? Non. Je regarderai une chose sur le net, pourquoi pas. Bah, de toute façon, l'édition, ils ne vont pas aller jusqu'à rajouter Trino Chavaria. Les maisons d'édition, pas, mais non, les maisons d'édition, ça va être des fautes de frappe. Ça va, bah, de toute façon, on en a plein là. Ils remplacent un mot par un autre. Au lieu de mettre Mourtalef, ils mettent Murtava. Mais ils ne vont pas aller jusqu'à. Ils vont pas mettre un autre mot carrément. Bon, si vous voulez, je regarderai, mais je ne pense pas que ce soit la peine. Trino Chavaria, la terre dans les rues. Oh, la terre, déjà, personne n'a dit que c'était impur pour qu'on dise c'est une impureté qui est tolérée. En fait, il a voulu nous dire par là, Wallahu a'lam, c'est sache que la terre, c'est pas une impureté. Et c'est, ça peut être, tu peux considérer ça comme sale. Et on a dit sale et impur, c'est deux choses différentes. Et sale, ça change d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre. Ce qui est sale pour toi ici, ça peut être normal pour quelqu'un qui vit dans la campagne, par exemple. Ou qui a des conditions de vie qui sont plus difficiles. Donc peut-être que c'est ça qu'il a voulu dire. C'est-à-dire dans le sens, voilà, la terre, sache que c'est pas, c'est toléré, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait de la terre sur toi, ou la terre qui est dans les rues, etc. Après, deuxièmement, il a dit, et là c'est très intéressant, il a dit « Ad-damu liyassir », le sang en petite quantité. C'est-à-dire que l'imam Ahmed, rahimahullah, et à ma connaissance, c'est le seul des quatre imams. Il dit que certaines impuretés, elles sont tolérées quand elles sont en petite quantité. Et notamment, ce qui est connu de lui, c'est sur « Ad-damu ». Et d'où est-ce qu'il a sorti ça, l'imam Ahmed? C'est différents affaires qui sont rapportés des compagnons, radiallahu anhu, comme quoi parfois, par exemple, ça arrivait qu'il y ait une ou deux gouttes qui sortent de son nez, et il le, malgré que le sang il était là, il priait, dans la prière, il ne sortait pas de la prière. Ou alors, par exemple, il se grattait, et il y avait un petit peu de sang, et il le frottait comme ça. Et il restait dans la prière, ou alors juste après, il priait. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que le sang, s'il est en petite quantité, qu'est-ce qu'on appelle en petite quantité? Il n'y a pas de mesure. C'est pas en centimètres, c'est pas en grammes, etc. C'est à peu près. Quand c'est 2-3 gouttes comme ça, c'est-à-dire que c'est peu, là il est toléré, que ce soit sur ton corps, ton vêtement ou alors par terre. Et certains savants du madhab, ils disent, ça on peut l'appliquer à toutes les najasat en vérité, et notamment al-mavi. Parce que al-mavi, parfois l'être humain il peut être éprouvé par ça, pire que le sang. Donc si le mavi il est trop courant chez un homme, ben là on peut dire que si c'est en petite quantité, tant pis. Il n'est pas obligé de le laver à chaque fois parce qu'il y aurait une macharqa, c'est-à-dire il y aurait une grande contrainte, une grande difficulté à le laver à chaque fois. Ensuite il dit salifan, al-qayhu was-sadidu min insanin aw hayawanin ma'kul al-lahm. Donc ensuite il a dit le pu. Al-qayh was-sadid c'est le pu, ou alors as-sadid c'est le liquide jaune qui sort quand on a des plaies, etc. Il dit de l'être humain ou des animaux qui sont licites, qu'on a le droit de manger. Il dit ça, c'est toléré. En fait, la question, c'est est-ce que déjà c'est une impureté? Déjà, c'est par là qu'il fallait commencer. Est-ce que le pus est une impureté ou pas? Donc, ça, c'est, on peut le mettre dans la deuxième catégorie. C'est un sujet sur lequel les fouqaha, ils ont débattu, ils ont discuté. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le pus, le sordide, etc., son origine, c'est le sang, ou c'est la même origine que le sang. Donc certains ont dit que c'était impur, d'autres disent que ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, nous, face à ce genre de cas, pareil, on prend le l'ihtiyat, comment on dit, la précaution. C'est-à-dire, si jamais ça nous arrive, avant de prier, on le nettoie. Ensuite, il termine par kayfiyatu tathhir an-najasat. Comment est-ce qu'on purifie les impuretés? Donc il dit tathhir an-najasat bil ghasli wa bil nadhi wal dalki wal mas'h. Donc il dit, purifier les impuretés peut se faire par al-rasl, qui veut dire laver. Donc qu'est-ce qu'on appelle laver? Prendre de l'eau et le mettre sur l'endroit. De sorte à ce que l'eau, elle coule de l'endroit. Par exemple, si c'est un tissu, si je jette un peu d'eau comme ça, ça c'est pas rasl. Il faut que je jette l'eau dessus et que ça coule. Là, on appelle ça al-rasl. Si on parle du membre, par exemple du bras, Ça veut dire que l'eau, elle va couler. Et elle va même, il y aura des gouttes qui vont tomber. Ça s'appelle al-ghasl. Ensuite, il dit wabin nadh. Un nadh, c'est asperger. Donc, c'est mettre de l'eau, mais sans pour autant que l'eau, elle coule. C'est un degré en dessous de ghasl. Waddalk. Un dalk, ça veut dire frotter. À sec. Walmasah. Et le masah, ça veut dire plus ou moins la même chose, c'est-à-dire frotter. Essuyer plus ou moins. Donc il dit, en fait, on peut retenir qu'il y a trois choses. Il y a le ras, c'est laver. Il y a un nabr qui est mettre de l'eau mais sans laver. Et après, il y a le nettoyage à sec, on va dire. Frotter, gratter, etc. Donc il dit Tatahir al-thawb al-najisi in kanat al-najasatu zata jurmin fa bihakkiha thumma bi ghasliha wa in kanat rabbatan fa bil ghasli. Donc il dit pour purifier un vêtement qui est najis. Najis ici, on veut dire par là, mutanajis, c'est-à-dire qui est entaché par une impureté. Il dit, si l'impureté a un corps, vatajur, c'est-à-dire elle a du volume, alors il faut fabihakkiha. Il faut déjà la frotter pour l'enlever, thumma birasliha, et ensuite on lave. Ça c'est logique, c'est-à-dire si tu as une grosse impureté comme ça, tu ne mets pas de l'eau dessus. Elle va rester. Tu vas peut-être même l'enfoncer encore plus ou la répandre. Donc d'abord, on l'enlève avec quelque chose de sec, et ensuite on lave. Et si elle est humide, c'est-à-dire comme par exemple de l'urine ou du sang, là c'est en la lavant. Et les fuqaha, ils précisent quand on dit laver, c'est-à-dire que par exemple, on va laver, puis il faut frotter, il faut essorer, de sorte à vraiment faire partir le. Il ne faut pas vous dire dans votre tête, ah oh, c'est bon, j'ai mis une poignée d'eau, l'eau elle a coulé, ça y est. Non, il faut qu'elle parte aussi. Et pour qu'elle parte, ben, ils disent qu'il faut faire l'asr ou tafqir, même les choses sur lesquelles qu'on peut pas faire essorer entre guillemets, ben il faut mettre quelque chose de lourd dessus pour que ça enfonce l'eau, etc. C'est-à-dire il faut utiliser tous les procédés possibles pour faire partir l'impureté. Tatahiru bawl as-sabi yatahiru bawl as-sabi yatahiru bawl as-sabi alladhi lam ya'kul at-ta'ama bin-nadh. Ensuite, il précise le deuxième cas, donc c'est le cas du petit garçon. Et c'est vrai que pour le petit garçon, pas pour la petite fille, qui ne mange pas encore de nourriture. C'est-à-dire que sa principale nourriture, c'est le lait de sa mère. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que peut-être que si on lui donne un bout de pain, si on lui donne une date, il va la manger. Mais ce n'est pas son alimentation. Il est encore alimenté par le sein de sa mère. Et bien celui-là, il y a beaucoup de hadiths qui montrent que s'il urine, il suffit un nadh. Il suffit pour purifier son urine, un nadh. Qu'est-ce que c'est le nadh? Ben, si par exemple c'est sur un vêtement, il y a une petite mare d'urine, on prend de l'eau et on la met de sorte à ce que ça recouvre l'urine. Et c'est tout. On n'est pas obligé de frotter, on n'est pas obligé de d'essorer non plus. Alors que si c'est une petite fille, oui, même si elle ne vit que du lait de sa mère. Ensuite il dit وتطهر النجاسة على الأرض بإزالة جرمها ويصب الماء على النجاسة المائعة. Bon, là c'est comme pour les vêtements. Il dit quand c'est pour quand c'est par terre, si elle a du volume, il faut l'enlever et ensuite laver. Et si c'est du liquide, bien on lave. On met de l'eau dessus jusqu'à faire disparaître toute trace. ويطهر النعل بدلكه أو بالمشي على الطاهر. Il dit les sandales, donc les sandales, les chaussures, etc. Quand on marche dans une impureté, il dit elles deviennent pures si on les frotte ou si on marche sur la terre pure. C'est-à-dire si à force de marcher sur la terre pure, ça suffit pour enlever par exemple les excréments qui étaient dans la semelle, ça suffit. Tu n'as pas besoin de passer l'eau derrière. Donc ça, il s'est basé sur plusieurs hadiths qui disent ça, que pour purifier les sandales. Donc ça, c'est une sorte de facilité qu'Allah nous a accordée. C'est que pour purifier les chaussures, les sandales, il suffit de les frotter dans la terre ou alors de marcher longtemps avec sur la terre pure de sorte à ce que l'impureté elle disparaisse. وتطهر الأشياء الصقيلة كالزجاج والسكاكين والبلاط وغيره بالمسح. Il dit les choses qui sont saqila. Saqila, c'est comme par exemple il dit le verre, les couteaux ou alors les sols comme le parquet. Il dit ça, c'est avec un masah. C'est en essuyant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si tu as une flaque d'urine sur du parquet, il faudra que tu mettes beaucoup d'eau pour que l'urine disparaisse. En fait, ça va faire que de la répandre. Donc il faut l'essuyer. Dans tous les cas, vous retenez une chose. À part pour l'urine du gamin, qui est un cas spécial. Mais le reste, c'est quoi le but en fait? C'est de faire disparaître la pureté. On regarde quel est le plus efficace. Est-ce que c'est d'eau? Est-ce que c'est assez? Etc. C'est ça qui est voulu. C'est ça qu'il faut regarder. وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ يُرْسَلُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. Et si un chien boit dans un récipient ou mange dans un récipient, il faut laver ce récipient 7 fois, dont une fois avec de la terre. Donc quand on dit dont une fois avec de la terre, c'est-à-dire qu'on le lave 7 fois, et en fait on le lave une 8e fois avec de la terre. C'est-à-dire que la terre elle sera mélangée à l'eau. C'est pas juste de la terre qu'on va mettre dessus. Comme il est dit dans un autre hadith, الثامنة وعفر الثامنة بالتراب. C'est-à-dire qu'on va mélanger l'eau à la terre. Faut savoir que, comme qu'à notre époque, il y a des recherches scientifiques qui ont montré que dans la salive du chien, il y a des bactéries qui sont nuisibles pour l'appareil digestif de l'homme, et que les seules bactéries qui peuvent éliminer ces bactéries, elles sont présentes dans la terre. Donc ça fait penser à ce qu'il a dit l'imam Malik, quand il a dit c'est pour quelque chose qu'on ne sait pas. Ben, c'est probable, Allah a'lam, que ce qu'on ne savait pas, c'était ça. Et ça peut être encore d'autres choses. On termine par les hadiths. Je suis malade, ça marche pas pour lui. Un chien, il lèche mon survêt. S'il fait mal à la machine à laver, c'est bon. Ouais, bah ouais. Parce que le tourab, c'est pour les bols, etc., les assiettes. Parce qu'il y a quelque chose de spécial ici. Parce qu'après, on va s'en servir pour. Même si c'est vrai que, d'un côté, tu as raison, certains savants ils disent que pour purifier la salive du chien, même sur les vêtements, on met de la terre. Eux, ils ont élargi la règle à tout, en fait. Donc il faudrait rajouter de la terre derrière, malgré la machine à laver. Mais un chien, il vient dans un bol à manger l'eau, la vaisselle, par exemple. C'est bon. Bah, si on en suit vraiment la règle, il faut rajouter de la terre derrière. En fait, c'est pas. Si tu veux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pec citron. Non, mais en fait, j'y arrive, justement. En fait, comment t'expliquer? T'as l'imam Malik, rahimahullah, lui, il te dit déjà à la base, tout ça, c'est juste recommandé. Si tu veux ne même pas la laver, la salive du chien, tu la laves même pas. Mais c'est à tes risques et périls à toi. Et les autres qui ont dit, c'est obligatoire de la laver, les mêmes, ils disent, par contre, on n'est pas obligé d'utiliser de la... Comment ça s'appelle? De la terre. On peut utiliser du savon, ils appellent ça le ushnan, c'est-à-dire des plantes à la place. Donc, on ne va pas mélanger tous les avis et faire un avis à un troisième qu'on va inventer nous, où on va dire non seulement il est obligé de laver, et en plus il est obligé de mettre et turab. Soit on dit c'est juste recommandé et turab avec, ou soit on suit, comme ils ont dit le Hanabila, c'est obligé de laver cette fois, par contre la terre tu peux la remplacer par autre chose. Donc quand tu vas le mettre à la machine à laver, il y aura l'eau et il y aura aussi la lessive, donc en fait ça suffit. Donc on passe au Boulour al-Maram. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. Donc là, il va citer différents hadiths qui parlent des règles du salam, du salut. Il dit, le petit doit saluer le grand. C'est-à-dire que quand deux personnes se rencontrent, eh bien, dans certains cas, il sera plus recommandé à l'un des deux de commencer le salam. On avait vu que quand deux personnes se rencontrent, il n'y a pas obligation à dire salam alaykoum en premier. Si ce n'est que c'est très recommandé. Et que, par contre, répondre au salam, ça, c'est obligatoire. Et il y a des cas où ça sera encore plus recommandé. Donc, le cas où quelqu'un de plus jeune croise quelqu'un de plus vieux. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens du même âge. C'est un jeune qui croise quelqu'un de vieux, par exemple, ou un enfant qui croise un homme. Donc là, il est demandé à ce que l'enfant salue l'homme en premier. À ce que le jeune homme salue le vieillard. Donc ça c'est dans le sens du respect, de l'éducation, etc. Si ce n'est qu'il est encore recommandé, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de saluer pour que l'homme salue les enfants. Ça c'est quelque chose qui est rapporté plusieurs fois dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il passait devant les enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les saluait en premier. Donc c'est pour montrer là, il y a plusieurs bénéfices dans ça. Il y a le fait d'adopter tawadhu, la modestie, et puis en même temps de leur apprendre les bonnes vertus, la politesse, et de leur donner envie de créer une proximité entre l'adulte et l'enfant. Ensuite il a dit, wal marru ala al-qa'id, celui qui passe doit saluer celui qui est assis. Si quelqu'un il est comme ça debout ou assis, par exemple devant chez lui ou autre, et que quelqu'un passe, c'est à celui qui passe de lui dire le salam en premier. Wal qalilu ala al-kathir, et ceux qui sont peu nombreux doivent saluer ceux qui sont nombreux. Si trois personnes passent devant et croisent tout un groupe, c'est aux trois personnes de dire le salam en premier. Donc ça, tout ça, ça n'interdit pas à l'autre de dire le salam en premier. Mais simplement, il a voulu nous montrer le mieux à faire. Ensuite, il dit, dans une version de Muslim, وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي, et celui qui est sur une monture ou sur un véhicule, ou dans un véhicule, doit saluer celui qui marche. Et là, on a l'impression que c'est inverse à tout ce qui vient de précéder. C'est-à-dire que entre un vieux et un jeune, c'est entre guillemets celui qui est inférieur qui doit saluer celui qui est supérieur. Ceux qui sont en moindre nombre doivent saluer ceux qui sont plus nombreux. Et là, le plus complet des deux, c'est celui qui est dans sa voiture, c'est pas celui qui est à pied. Pourtant, c'est à celui qui est dans sa voiture de saluer celui qui est à pied. C'est comme si ils retirent de ça que c'est pour lui apprendre la modestie et pour le rabaisser. Et le garder dans la modestie. Pourquoi ? Parce que, surtout, on imagine à l'époque celui qui est sur son cheval ou sur son chameau, il est beaucoup plus haut que les gens. Donc, comme il est beaucoup plus haut, il lui est demandé à lui de faire preuve de modestie et de saluer celui qui marche en premier. Le hadith suivant, il dit An Ali radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yudzi'u an il jama'ati, idha marru an yusallima ahaduhum. وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِ. Ici dans ce hadith de Ali, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ, c'est-à-dire quand les gens ils sont en groupe et qu'ils passent, c'est-à-dire qu'ils passent devant quelqu'un, qu'ils passent devant d'autres gens, il suffit que l'un d'entre eux passe le salam. Et quand on leur passe le salam, il suffit que l'un d'entre eux rende le salam. En fait, que nous dit le hadith ? Il nous dit en gros que quand des gens sont plusieurs, s'ils marchent et ils passent devant quelqu'un, s'ils veulent saluer ces gens devant qui ils passent, il suffit que l'un d'entre eux dise « Assalamu alaikum ». De même, si quelqu'un rentre par exemple maintenant et il nous dit « Assalamu alaikum », il suffit qu'il y en ait un d'entre nous qui répond « Wa alaikum assalam ». C'est-à-dire qu'une personne suffit pour tout le groupe. À signaler que ce hadith, il est « da'if ». Ce hadith, il n'est pas authentique. Et il existe plusieurs hadiths qui tous ne sont pas authentiques, qui disent la même chose. Et c'est pourquoi, ça c'est l'avis de la majorité des savants. C'est que si quelqu'un salue 15 personnes, il n'est pas obligatoire aux 15 personnes de rendre le salam, mais il suffit qu'un seul d'entre eux le dise. Comme ça il aura fait le fard pour le reste des gens. وَعَنْهُ قَالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم. Dans ce hadith de Sahih Muslim, le prophète dit صلى الله عليه وسلم, ne dites pas en premier le salam aux juifs et aux chrétiens. Donc là j'ai fait exprès de ne pas traduire par ne saluez pas les juifs et les chrétiens en premier. Il a bien dit لا تسلموا, il n'a pas dit لا تحيوا, ne dites pas le salam. Donc le hadith, il interdit de saluer les juifs et les chrétiens en premier. C'est-à-dire bilawzi assalam, de leur dire assalamu alaykum en premier. Ça c'est quelque chose d'interdit. Pourquoi ? Parce que le salam, il a une particularité. Et en même temps, c'est la salutation des musulmans entre eux. Et c'est un salut donc particulier qui a également le sens du nom d'Allah et le sens de l'invocation. Par contre, il est connu que si ils le disent, alors le hadith dit faqulu wa alaykum. Vous devez répondre wa alaykum. C'est-à-dire s'ils vous disent le salam. Et le fait de dire wa alaykum, pourquoi ne pas dire wa alaykum salam ? Les hadiths l'expliquent. C'est parce que les juifs, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils passaient devant lui, ils lui disaient « Assalamu alaykum ». Ils le disaient vite en espérant ne pas qu'on croit qu'ils aient dit « Assalam ». Et « Assam » veut dire « la mort ». Donc il a expliqué que comme ils disaient ça, il fallait leur répondre « Wa alaykum » pour leur rendre cette mauvaise invocation. Mais si, dans le cas où on est sûr qu'ils disent « Assalamu alaykum », on reste sur la règle de base qui est وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est-à-dire, si on est sûr qu'ils disent vraiment salam, alors pour nous faire plaisir, ils nous disent assalam alaykum, alors dans ce cas, on applique la règle de base qui est de répondre assalam équivalent, et donc on leur dit wa alaykum assalam. S'ils disent wa rahmatullah, on dit wa rahmatullah, etc. En visant par là le fait que qu'Allah les guide et ainsi de suite, qu'il améliore leur situation, etc. Donc, sachons que donc le hadith dit de ne pas les saluer en premier. Donc, certains savants disent que c'est valable pour tout salut, comme c'est rapporté de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et d'autres, comme, c'est-à-dire, c'est sur des savants du madhab de l'imam Shafi'i qui ont soulevé cette question. Qu'en est-il de dire « sabah al-khayr » comme c'est un salut qui existe à l'époque, comme on dit « bonjour » par exemple. Et là, dans ce cas-là, beaucoup de savants disent que, comme Ibn Taymiyyah notamment, rahimahullah, ou An-Nawawi, rahimahullah, que si c'est une autre chose que le salam, il n'y a pas de mal à leur dire en premier. Pourquoi? Surtout s'il y a une maslaha derrière. Le fait de, par exemple, de créer une sympathie pour leur montrer, les attirer à l'islam, etc. Pourquoi ils disent? Parce que le hadith, il parle bien du mot du salam. Et on ne peut pas comparer le salam, qui est une dua, qui est le salut des musulmans, aux autres salutations. Wallahu a'lam. Ensuite, il dit, et quand vous les croisez dans un chemin, alors serrez-les à la partie la plus serrée du chemin. Mais là, le fait que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, les juifs et les chrétiens, on en comprend que c'est dans quel contexte? Domination. Bah, ouais, mais pourquoi? C'est où que le prophète il a vécu avec les juifs et les chrétiens? C'est à Médine. Donc, il faut comprendre dans quel contexte il a dit ça. Dans le contexte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait Médine, les musulmans ils étaient forts, ils appliquaient le Coran, ils jugeaient avec le Coran. Donc dans ce cas-là, il leur a dit, quand vous les croisez, et les savants disent qu'il y a deux conditions à ça, les conditions de rupture des grandes règles de l'islam, qui sont l'izdiham. C'est-à-dire, c'est pas dans le sens où une personne elle croise un kitabi tout seul, puis elle va le forcer comme ça à ce qu'il soit contre lui. C'est dans le sens où il n'y a plus de place. Alors s'il n'y a plus de place, c'est pas aux musulmans de se mettre contre le mur et de laisser la voie à celui qui dit Allah est le troisième de trois ou Uzair est le fils d'Allah. C'est à lui de prendre le chemin et c'est à l'autre de se pousser. Et la deuxième condition qu'ils ont stipulée, c'est qu'il ne doit pas y avoir un danger pour le vimmi. Par exemple, dans le sens où tu vas le coller contre le mur alors que sur le mur il y a quelque chose de dangereux. Ou un trou, ou quelque chose comme ça. Mais le sens, quel est-il? C'est de, comme l'islam il est dominant, il est appliqué, il est apparent, eh bien c'est de les forcer à ce genre de choses pour ne pas, comment vous expliquer. En fait, j'ai toujours peur que l'enregistrement il sorte quelque part, je ne vais pas vous mentir. J'aime pas trop parler de ces sujets-là. Mais c'est dans le sens où l'islam il est dominant, il est apparent, il est appliqué. Or, ils continuent dans leur entêtement, dans la trinité, etc. Et donc, c'est une façon de les traiter, pour, en récompense, entre guillemets, de cette chose-là. C'est bien sur France 2. Alors, le hadith suivant. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ. Donc, il dit dans le hadith suivant, quand l'un d'entre vous éternue, qu'il dise « Alhamdulillah ». Alhamdulillah, et une des sagesses pour lesquelles on dit Alhamdulillah quand on éternue, c'est que l'éternuement, eh bien, c'est un signe de bon fonctionnement de l'organisme. Et c'est quelque chose de mauvais qui devait sortir. C'est-à-dire que c'est une réaction qui est bénéfique pour le corps. وَلْيَقُلَّهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ. Et que son frère lui dise يَرْحَمُكَ. Son frère, ça signifie que ça c'est entre eux, musulmans. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas musulman qui éternue, on lui dit directement le troisième qui va venir après. Parce qu'il est rapporté dans le hadith que les juifs à Médine, il se forçait à éternuer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant avoir son invocation. Regardez, pour avoir la miséricorde divine. Et il leur disait directement, Yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Qu'Allah vous guide et améliore votre situation. Donc son frère doit lui dire, Yarhamuk Allah, qu'Allah te fasse clémence ou qu'Allah te fasse miséricorde. Fa'idha qala lahu Yarhamuk Allah. Si il lui dit Yarhamuk Allah, donc on voit bien ici, à chaque fois que c'est si. C'est-à-dire, s'il ne dit pas Alhamdulillah, on ne lui dit pas Yarhamuk Allah, comme c'est stipulé dans différents hadiths. Si il dit Yarhamuk Allah, l'autre répond, donc il dit, Faliyakul Yahdikum Allahu wa yuslihu ba'lakum. Qu'Allah vous guide et qu'il améliore, qu'il réforme, yuslih, c'est-à-dire qu'il le rende salih, ba'lakum. Al-bal, soit ça signifie le hal, c'est-à-dire votre situation, ou alors le bal, c'est-à-dire le cœur. Les deux sont semblables, c'est-à-dire si le cœur de l'être humain va bien, allez pour lui. Donc en gros, qu'il vous accorde une bonne situation, qu'il améliore votre situation, etc. Juste ici, un détail, le cheikh en a parlé dans l'explication, pourquoi les doigts, elles sont singuliers, et à la fin, elle est au pluriel. Celui qui a éternué, il dit à l'autre au pluriel. C'est parce que celui qui a éternué, ça ne concerne que lui. Alors que l'autre, quand il dit Yahdikumullah, c'est comme si quelque part il vise toi et tous les musulmans. Qu'Allah vous guide et qu'il améliore votre situation. Akhrajahu al-Bukhari. On peut souligner aussi, comme l'a fait le Cheikh dans l'explication, que Tashmitul Atis ne doit pas dépasser trois fois. C'est-à-dire que si une personne l'éternue une fois, on lui dit Alhamdulillah. Une deuxième fois, si on veut, parce que dans un hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit qu'une fois à une personne, après il a plus dit. Sinon, on le fait une deuxième aussi. Quand il dit Alhamdulillah, on lui dit Alhamdulillah. Et une troisième, et après on arrête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a stipulé dans différents hadiths, et la quatrième fois, il lui disait parfois Anta Mazkoum, tu es enrhumé. Quelle est la sagesse de lui dire Anta Mazkoum? C'est comme pour lui faire comprendre, c'est pour ça que je te dis plus Yarhamukallah. C'est pas que je veux pas te. Mais c'est parce que là, c'est autre chose. Là. C'est pas juste un petit éternuement, c'est que tu es enrhumé. Donc on le dit trois fois et après, on s'arrête. Aussi, il a cité dans l'explication différentes règles à suivre quand on éternue. Comme le fait par exemple de se couvrir le visage, comme c'est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il posait sa main ou son vêtement sur son front. Pas sur son nez, sur son front. C'est-à-dire qu'il cachait son visage entièrement pour ne pas nuire à l'autre. Et donc il n'est pas demandé de tourner, parce que tourner la tête, ça peut être mauvais. D'éternuer en tournant, ça peut faire un torticolis, etc. Mais il est demandé de se couvrir le visage. Et également, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il baissait la voix quand il éternuait. C'est-à-dire qu'il ne se lâchait pas en criant, comme parfois on peut le faire, mais il contenait sa voix. Pas l'éternuement, mais la voix, il la contenait. Le hadith suivant, il passe à un autre sujet. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما أخرجه مسلم. Dans ce hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt aurait dit, comme on va le voir, que nul d'entre vous ne boive debout. Ça c'est rapporté par Muslim, et ça fait partie des hadiths, des quelques hadiths dans Sahih Muslim qui ont été critiqués par les savants du hadith. Et la conclusion, c'est que ce hadith, il n'est pas authentique. Même s'il y a un autre hadith qui est aussi dans Sahih Muslim qui interdit de boire debout. Donc la question de boire debout, en fait, elle est très simple. C'est que il y a quelques textes, donc il y a ce hadith et un autre hadith de Anas qui disent qu'il est interdit de boire debout. Et à côté, il y a de nombreux textes qui disent, dans le Sahih Bukhari notamment, où par exemple Ibn Abbas dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam boire de zamzam debout. Ou Abdullah ibn Omar disait, ça c'est dans Sunan al-Tirmidhi, il y a des gens qui interdisent de boire debout. Or à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous mangeons et nous buvions en marchant. Ou alors le hadith de Ali, il a bu debout et il a vu que les gens le regardaient. Et en gros il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam buvait debout. Et si on regarde par exemple l'imam al-Bukhari et l'imam Malik, ils ont rapporté que ces textes-là, les deuxièmes. Que les textes qui montrent qu'il est permis de boire debout. comme pour insinuer qu'il est permis de boire debout, il n'y a pas d'interdiction. Parce que les autres textes, ils ne les ont pas pris en compte. Mais pour sortir de cette question de la façon la plus simple, comme l'a dit notamment l'imam al-Nawawi, rahimahullah, et d'autres, ou à notre époque, le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, c'est de dire, il y a des textes qui disent qu'il est interdit de boire debout, il y a de nombreux textes qui disent que c'est permis de boire debout, donc qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que c'est déconseillé de boire debout. C'est pas haram, en fait, mais c'est déconseillé. C'est-à-dire que le mieux, c'est de boire assis. Boire debout, c'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Le mieux, c'est de l'éviter. Tout simplement. On termine par le hadith suivant. Il dit, وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ فَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْتَكُنِ الْيُمْنَ أَوَّلُهُمَا تُنْعَلِ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعَ. Donc ça, c'est un des hadiths qui montre une des grandes règles, qui est de toujours commencer par la droite, toujours favoriser la droite. Donc ici, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous met ses sandales, qu'il commence par la droite. Et quand il les enlève, qu'il commence par la gauche. Et il dit, il précise encore, il répète, il dit, la droite doit être la première à être mise et la dernière à être enlevée. Et ça, c'est vrai pour notamment tout ce dans quoi il y a une droite et une gauche. Comme le pantalon, comme le qamis, comme une chemise, comme un pull, etc. Le mieux, c'est, ça fait partie de l'adab, c'est de toujours commencer à le mettre par la droite, et quand on l'enlève, de commencer à l'enlever par la gauche. Donc tout ça sont des choses qui sont recommandées. Il faut bien comprendre tout ça. C'est pas des choses sur lesquelles il faut être trop. Il y a certaines personnes, parfois, elles sont trop dures sur ça. Ou alors, par exemple, il arrive à la mosquée, il doit rentrer du pied droit, mais comme c'est dehors, il peut pas enlever ça. Et il se rend fou pour rien. Il ne faut pas trop se compliquer la vie. Ça, c'est des choses, alhamdoulilah, on les applique, on les apprend. Et des fois, tu peux pas, il n'y a pas de mal. C'est pas, on ne parle pas de wajib, on ne parle pas de fard, on ne parle pas de haram. Ce sont des règles de vie que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandées. Par exemple, ici, dans l'explication, il dit que Al-Qadri Iyad, il a cité Ijma', le consensus des savants, sur le fait que ces choses-là, elles sont recommandées, elles ne sont pas obligatoires. Ah oui, il y a un dernier hadith, j'ai oublié. Il dit, wa anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahida, wa liyan'alhuma jami'a, aw liyakhla'alhuma jami'a, muttafaqun alayhi. Donc ici, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que personne ne marche dans une seule sandale, qu'il les mette toutes les deux ou les enlève toutes les deux. Donc de façon générale, on observe dans les hadiths que tout ce qui donne une hay'a, c'est-à-dire un aspect bizarre à l'être humain, généralement le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdit. Dans le sens où il le déconseille, encore une fois, pas dans le sens où c'est haram, mais dans le sens où il nous conseille d'éviter ce genre de comportement et ce genre de choses. C'est quoi différencier de shaitan et même? Oui, il y a un hadith qui dit ça. Il l'a cité ici. Inna shaitan yamshi bin na'li wahida. C'est rapporté par Tahawi dans Sharh Mushkil al-Afar. Je ne sais pas si c'est un hadith sahih ou pas. Wallahu a'lam. Ici, on peut conclure par une parole de Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Il disait: Man masha fi na'lin wahidin, aw khufin wahida, aw bada'a fi inti'alihi bi shimalihi. Il dit: celui qui marche avec une seule sandale, ou un seul khouf, ou qui commence à mettre sa gauche en premier, faqad asa'a wa khalafa as-sunnah. Il dit: il a mal agi et il a contredit la sunnah. Wa bi'sa ma sana'a idha kana bin-nahyi 'aliman. Il dit, et comme c'est mauvais ce qu'il fait, si il sait que c'est interdit. Wala yaharumu alayhi ma'a dhalika lubsun 'alayhi wala khufun. Regardez la différence, regardez le fiqh. Il dit, mais malgré ça, c'est pas haram. C'est pas bien, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est un péché? Est-ce que tu lui dis haram alayk? Il a dit, mais malgré tout, il ne lui est pas haram de mettre sa sandale, c'est-à-dire la gauche en premier, ou d'apporter seul. ولكن لا ينبغي له أن يعود. mais il n'est pas recommandé, et il ne convient pas de, soit il a voulu dire par là de s'y habituer ou de réitérer cela. فَالْبَرَكَةُ وَالْخَيْرُ فِي اتِّبَاعِ أَدَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَانْتِثَارِ أَمْرِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Il dit car la baraka et le bien réside dans le fait de suivre le adab, c'est-à-dire les règles de vie, les règles de politesse du prophète صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. On s'arrête là pour aujourd'hui. نَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أن يفقهنا في الدين ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. Est-ce que quelqu'un a une question sur le cours? Une question? Je crois que j'ai entendu la citation que les musulmans priaient une fois avec leur sang en temps de guerre. En temps de guerre? Le temps de guerre, il a d'autres règles que le temps normal. Mais c'est pas prier beaucoup, en fait. Ouais, c'est le Hassan al-Basri qui disait les musulmans ont toujours prié dans leurs blessures. Mais ça tu dois prendre cette parole pour contredire l'ijma. L'ijma, il est lourd. Donc cette parole, elle concerne des circonstances où tu peux pas faire autrement. Comme par exemple, des fois, il cite Omar ibn Khattab qui prie avec sa blessure qui s'est liée. Tu fasses quoi? C'est pas le choix. C'est pas une preuve, ça. Voilà. En plus, quand bien même, parfois il arrive que on trouve un ijma et on trouve un sahabi qui dit le contraire. On dit, ah, bah, c'est pas un ijma. Bah si, c'est un ijma. Parce qu'il arrive qu'un sahabi fasse quelque chose parce qu'il ne connaît pas le jugement de cette chose. Et après, cette chose, elle se répand. Je vous donne un exemple avec le fait que quand l'homme il pénètre avec sa femme, le rousse il lui devient obligatoire, même s'il ne va pas jusqu'au bout. Et ça, il y a certains compagnons qui disaient, mais parmi eux, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il disait si il ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire si le sperme ne sort pas, il doit juste faire le wudu. C'est Uthman, on ne parle pas de n'importe qui là. Et Uthman, il s'est trompé sur ça. Il ne savait pas que, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit ça au début. Et après, il leur a dit que même si le sperme n'y sort pas, l'homme, il doit faire le rousse. Et Uthman, il n'a pas appris ça, il ne le savait pas. Et ça ne lui est pas parvenu. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas comme maintenant, avec les moyens de... Ça arrivait qu'un sahabi ne connaisse pas une chose, même si elle est assez claire. Et par la suite, quand ce hadith il s'est répandu, il n'y a plus de divergence. Donc il y a eu un ijma, alors que Uthman a dit le contraire. Donc ça ne contredit pas que ce soit un ijma. Un ijma, il peut arriver après une divergence entre les compagnons, parce que la divergence, elle est basée sur le fait que certains ne savaient pas. Donc parfois, ce n'est pas une preuve de sortir un truc d'un compagnon alors qu'il y a un ijma. Comme par exemple ceux qui vous disent ouais, le 2 Avan au Jumu'a, c'est bid'a. Masha'Allah, Othman ibn Affan, il a fait une bid'a. C'est bien. Et quand on leur dit non, par exemple, certains savants, ils ont répondu en disant celui qui dit que c'est une bid'a, c'est lui le Muqtadir. Celui qui accuse Othman d'avoir fait une bid'a, c'est lui qui est un Muqtadir, c'est pas Othman. Alors ils disent ouais, bah Abdullah ibn Omar, il n'était pas d'accord avec Othman, alors allez-y, dites que c'est un Muqtadir. Celui qui parle comme ça, il n'a rien compris à la vie, rien. Rien, il connaît rien à la religion, ni au fiqh, ni... même s'il connaît 10 000 hadiths ou 100 000 hadiths, il n'a rien compris à la vie. Pourquoi? Parce que Abdullah ibn Omar, c'est un compagnon. Uthman, il fait quelque chose, il n'est pas d'accord. Entre eux, ils ont divergé. Mais après, Abdullah ibn Omar, il est mort, toute la Ummah, elle a accepté ce que Uthman, il a fait. Ben ça s'appelle un ijma, ça. C'est pas parce qu'Abdullah ibn Omar, de son vivant, il n'a pas été d'accord, que c'est pas un ijma. C'est un ijma. En plus, c'est la sunna de Uthman. Donc na'am, on dit celui qui dit que c'est une bid'a, c'est lui, c'est un muqtadir. C'est pas Uthman. Voilà, donc des fois, quand vous lisez des trucs dans les livres, prenez avec des pincettes. Ouais, ils priaient dans leurs blessures. Ouais, certes, dans la guerre, pas tous les jours. Voilà. On verra, inchallah.